Voilà, certes, de belles paroles. Brantôme. 2. La nuit était close depuis longtemps lorsque messire Turpin de Montoiron rentra chez lui. Bertrade, sa vieille nourrice, vint à sa rencontre. « Eh bien, la vieille ! » lui cria-t-il du plus loin qu'il l'aperçut. « Qu'est-ce, cette huguenote, que monsieur de Montpensier m'a envoyée ? Est-ce joli, gracieux, avenant ? Qu'est-ce, enfin ? » ?»« Un diable, monseigneur, un vrai diable, à griffes, à ongles, à dents, qui mordent et déchirent !» Et la vieille montra sa face ridée, dans laquelle se voyait tout du long une belle égratignure d'ongles. « Tête Dieu pleine de reliques, comme le disait ce brave Louis XI, de glorieuse mémoire. Je la pensais pleurant de douces larmes, priant avec des mots et des refus charmants. Sainte Vierge, mon bon Seigneur, pleurant, ses yeux sont si ardents qu'ils dévoreraient les larmes. Et priant, Sainte Bertrade, ma patronne, mon Seigneur veut dire, jurant, tenez, comme monsieur de Sauzac, et peut-être pis encore. » Bah, la vieille, pas possible. Aussi vrai que je suis une brave et vertueuse, paix, la vieille, et laisse-moi. Mon bon Seigneur, prenez-y garde, et regardez-y à deux fois. À ses dures paroles, à son air hardi, on croirait presque que la jeune fille n'est autre chose qu'un bel et bon huguenot, et point tendre, Dieu me pardonne. » Sans lui répondre, sans même l'écouter, Turpin ouvrit brusquement la porte de la chambre qui renfermait Odette. Le coup d'œil qu'il jeta en entrant était triomphant, quoique gracieux. Il cherchait la jolie fille dont les amis de M. de Montpensier lui ont décrit les charmes. Mais, à la place d'une timide et craintive créature, il vit avancer au-devant de lui une femme grande, majestueuse, le regard assuré. De beaux cheveux noirs rejetés en arrière laissaient à découvert une figure où se voyait plus de noblesse et de fierté que de grâce. Ses bruns sourcils se croisaient indignés sur son front pâle de colère, et ses yeux noirs lançaient des éclairs. Le courroux seyait fort bien à cette femme ainsi offensée. Elle était superbe. « Mordieu, messire Turpin de Montoiron, rendez-moi justice de votre vieille radoteuse du diable. Vous êtes mon vainqueur, je le sais. Mais, mille tonnerres, quelle loi faites-vous subir aux vaincus ? Pourquoi les obliger de mettre, ainsi qu'une femme, pompons, rubans, dentelles et bijoux de toute espèce ? La face de votre vieille doit porter les traces de mon indignation. Vive Dieu ! Messire Turpin de Montoiron, prenez ma vie, puisqu'elle vous est dévolue. Mais ne m'insultez pas. Mordieu, à mes mains, il faut une épée, et merci de votre éventail. » Disant ces mots, la belle huguenote brisa en deux, et comme verre, un superbe éventail reluisant d'or, de pierres précieuses, et en jeta les morceaux loin d'elle, avec mépris. « Tudieu, la belle !» s'écria en riant le guidon de monsieur de Montpensier. « Ma vieille Bertrade avait raison. Tête Dieu pleine de reliques ! Quel petit démon sous la figure d'un ange ! Allons, allons, ma belle enfant, faisons la paix, car, sur mon âme, tu es la plus jolie fille que j'ai encore vue. » La belle huguenote l'écoutait parler d'un air étonné. La stupéfaction la plus grande avait succédé sur sa figure mobile à la colère qui, un moment avant, agitait ses traits. Et, jetant un rapide regard sur une grande glace de Venise placée en face, puis un second sur sa longue jupe à queue, un éclat de rire inextinguible l'empêcha de parler pendant un moment. À son tour, Turpin de Montoiron fut fort étonné. Il ne concevait ni la colère ni la gaieté de sa prisonnière. « Mordieu ! » dit-elle enfin, « je vais oublier ma robe. » Puis, s'asseyant d'un air assez cavalier, elle ajouta, « Messire Turpin de Montoiron, vous êtes un brave et digne chevalier. » Et ce serait mal à moi de vous laisser plus longtemps dans l'erreur. Sachez donc la vérité. Je suis un homme, vive Dieu, un homme qui sait que cet aveu doit lui coûter la vie, et qui, toutefois, n'hésite pas à le faire. Un homme ? Répéta le guidon tout étourdi. Oui, mordieu, messire Turpin, un homme, trop fier pour implorer de vous sa grâce, mais qui compte sur votre courtoisie pour rendre à la liberté sa sœur, pauvre jeune fille qu'on a conduite chez monsieur Babelot. Et par là, messire, ferait mentir le proverbe. Dieu vous garde du guidon de monsieur de Montpensier. Inconcevable, disait Turpin, examinant avec attention ce personnage à costume de femme, à parole d'homme, à jurement de soldat. « Me suis-je trompé, monsieur de Montoiron, un gentilhomme demandant merci pour sa sœur, le demanderait-il en vain ?»« Non, sur mon âme, vous m'avez bien jugé. Mais ce costume, cette beauté rare dans un homme ?»« Asseyez-vous, messire Turpin, faites porter des vins un peu forts, car, mordieu, les confitures que m'a fait manger votre vieille d'enfer m'ont diablement altéré le gosier. Faites porter aussi quelques pièces de viande froide. » Pâté, jambon, n'importe, car, mille diables, j'ai faim. Puis après, messire de Montoiron, je vous dirai comme quoi Jules Desmarets paraît devant vous dans un costume qui fait honte à un vrai soldat comme lui. Curieux de connaître les motifs d'un pareil déguisement, monsieur de Montoiron fit servir aux prisonniers ce qu'il demandait. Et aussitôt que les valets se furent retirés, Jules commença ainsi. « Ma sœur et moi, emportés au-delà de nos postes, autant par l'ardeur de nos chevaux que par la conversation, car la pauvre innocente me faisait l'aveu de son amour pour un jeune cavalier, mordieu, très bien tourné, de mes amis. Lorsque tout à coup, nous fûmes surpris par les gens de votre parti, saisis et désarmés avant d'avoir eu le temps de crier en garde. Voilà que ma sœur, qui a ouï conter mille choses de vous, dont tout le corps frémit au seul nom de Guidon de monsieur de Montpensier, et qui sait que lorsqu'on vous nomme devant les jeunes femmes, les vieilles s'écrient « Ah, Dieu vous en garde !» se met à trembler, la pauvrette, et à prier un de nos cavaliers de nous laisser seuls, un instant, elle et moi, donnant notre parole d'honneur que ce n'est pas pour chercher les moyens de nous évader. Elle est très jolie, ma sœur, blonde, délicate, la voix douce, beaucoup plus douce que la mienne, dont parfois mes amis se moquent, disant qu'elle a quelque chose de féminin. Mais, vive Dieu, ceux qui disent cela ne le redisent pas deux fois, mordieu, la force de mon poignet leur a bien vite prouvé le contraire. Elle est donc bien jeune et bien jolie, votre sœur, interrompit le Guidon d'un air pensif. Plus jeune que moi qui, voyez, n'ai pas encore de barbe. Et jolie, vive Dieu, un ange sous les traits d'une mortelle. Et si ange et si belle que le chef de vos hommes d'armes, lui voyant quasi la larme à l'œil, ne put lui refuser sa demande. Pour lors, nous faisions halte dans une chaumière de paysans. On nous laissa seuls un instant, et cet instant nous a suffi pour opérer cette métamorphose. Voilà, messire, maintenant je réclame de vous, de votre honneur, la vie sauve de mon Odette. Pour la mienne, pouvez en disposer et la prendre. « Non, de par Dieu, ne la prendrai, mon gentilhomme huguenot, et dès que le jour paraîtra, moi-même, vous le jure, je vous conduirai hors des murs de la ville. Pour l'heure ne le peut, les portes sont fermées. Vraiment, il ferait beau voir qu'un brave gentilhomme comme vous se serait fié en l'honneur de Turpin de Montoiron, de l'antique maison de l'archevêque Turpin, et s'en serait trouvé mari. Non, de par Dieu, et de par tous les saints du paradis. » « Soupez en paix, mon gentilhomme huguenot. Voilà mon lit. Faites-y un somme, et vive Dieu. Si les femmes me redoutent, craignent mon nom, jamais un chevalier désarmé entrant chez moi, mettant son sort à ma merci, jamais il ne pourra dire « Dieu vous garde du Guidon de monsieur de Montpensier. » « Touchez-la, messire, dit le prisonnier, lui présentant sa main gantée, à la vie et à la mort. Mais pour Dieu, « allons tout de suite, et s'il vous plaît, délivrez ma pauvre sœur. »« Votre sœur ne court aucun risque, mon gentilhomme huguenot. Elle est chez Babelot, cordelier de monsieur de Montpensier, et demain, sans faute, Babelot me l'enverra. »« Mais vous aviez tant soif, tant faim, mon jeune ami, et ne buvez ni ne mangez. »« Je vous l'avouerai, messire, ma sœur m'inquiète. Douce et timorée, demoiselle. » N'ayez crainte, sire Desmarets, sur mon âme, je réponds de votre sœur. Voilà qui est dit. Maintenant, il se fait tard. Prenez mon lit et dormez tranquille, mon gentilhomme huguenot, car vous êtes chez un ami. Sur ce, et sans répondre, le prisonnier se jeta tout habillé sur le lit. Mais sire Turpin s'étendit sur un canapé, mais ni l'un ni l'autre ne se déshabillèrent. Il fallait se lever au point du jour, et on n'en était pas loin. Ce fut le jeune huguenot qui se réveilla le premier. Possible était qu'il n'eût pas dormi, c'est ce que je ne sais, l'histoire ne le disant pas. Et, sautant à bas de son lit, il s'avança vers le Guidon qu'il secoua assez vivement. « Debout, mon chevalier, vite, debout, voici le jour !»« Déjà, beau gentilhomme huguenot, vraiment je dormais bien et rêvais d'amour. C'est dommage d'interrompre si joli rêve. » « Le finirez une autre fois, messire, et croyez-moi, tâchez aussi que cette fois-là, rêve soit réalité. Pour aujourd'hui, debout, et partons. » Le guidon sourit, puis, se levant et ouvrant la porte de sa chambre, il cria à un valet qui était de garde. « Un cheval, vite ! Un cheval, tout bridé, tout scellé !» Et se tournant vers Jules Desmarets, il ajouta, d'un air de galanterie comique, « Ni plus ni moins qu'une jeune et belle demoiselle monterez en croupe derrière moi et passerez votre bras à l'entour de mon corps. Et ma sœur, ma jolie Odette, messire Turpin, l'avez-vous oubliée ? Nom de pardieu, je vous le jure ! Bertrade, Bertrade ! Cria-t-il à haute voix. En l'attendant, il se mit à écrire un billet au crayon. La vieille ne tarda pas, elle vint à moitié endormie. « Tiens, lui dit son maître. « Porte cela à M. Babelot et attends la réponse. » Puis il lui parla à voix basse. C'était probablement des ordres qu'il lui donnait et dont il ne voulait pas que la teneur arrivât aux oreilles du prisonnier. D'un air inquiet, presque timide, celui-ci s'adressa au guidon. « Dites à Bertrade, messire, de la conduire hors des murs, ou... Chut donc, sire des marais. Ici, et pour cela, je ne me fie qu'à moi. » Offrant son bras avec galanterie, ainsi qu'il aurait pu le faire à une noble dame, le guidon de M. de Montpensier conduisit son prisonnier dans la cour de son hôtel. Là, ils trouvèrent un cheval préparé. M. de Montoiron s'élança lestement sur la selle, prit Jules Desmarets en croupe derrière lui et piqua des deux. Ils traversèrent ainsi la ville. Aucun ne parlait, préoccupés qu'ils étaient tous deux. Et comme s'ils avaient quelque succès en tête. Qui sait, la personne qui était chez Babelot leur revenait sans doute à l'esprit, tant et si bien qu'ils atteignirent les portes de la ville sans avoir échangé une seule parole. On allait les ouvrir, mais sire Turpin se nommant, on les laissa passer sans nulle encontre. Quand ils eurent couru quelque temps en plein champ, messire Turpin arrêta son cheval et invita Jules Desmarets à descendre. Ce qu'il fit, toutefois, retenant son compagnon au moment où celui-ci se disposait à repartir, il lui dit d'une voix fort émue « Messire Turpin de Montoiron, vous êtes un galant et courtois chevalier. Aussi, sachez qu'il y a de par le monde une jeune et belle femme, dit-on, qui vous garde une place en son cœur. Est-ce votre sœur, mon gentilhomme huguenot ? Possible, messire. Toutefois, lorsque la verrez, croyez, je vous prie, à ces paroles, et recevez cet anneau. Les noms de Jules et Odette y sont gravés. Si la fortune nous favorisait un jour au point de vous rendre notre prisonnier, ou si fantaisie vous prenait d'entrer au camp des Huguenots, présentez cette bague et demandez le capitaine Desmarets, mon père. Vous serez bien reçu par lui, je vous assure, et vu de moi avec plaisir et reconnaissance. De moi. « Entendez-vous, messire ?»« Mieux vaut de votre sœur, monsieur Desmarets. »« Je l'attends ici, monsieur de Montoiron. Et certes, elle et moi, retournant chez les Huguenots, ne dirons point à un chacun « Dieu vous garde du guidon de monsieur de Montpensier. » Sur quoi le guidon répondit en souriant « Parlez pour vous, mon gentilhomme, mais pour votre sœur, point ne ferait mentir le proverbe, je vous le jure. » Et, donnant un grand coup d'éperon à son cheval, il s'éloigna au galop.